J'avais un trésor dans la main, ta main, dont les doigts étaient entremêlés à mes doigts. Sur les pavés traînaient ça et là des pétales de cœur blanc. La plaine, derrière la muraille, refroidissait devant un ciel enflammé, un ciel de soleil couchant. J'avais un trésor sur mes lèvres, tes lèvres, qui remuait la splendeur avec un goût de bonheur. J'évaluais en secret l'immensité de ta beauté, sans parvenir jamais à trouver de limite. J'avais un trésor dans le cœur, ton cœur, que je sentais battre partout, parce qu'il rythmait tout, tout en moi et autour. Tout était bouleversé, désynchronisé par amour. Je n'avais jamais tant aimé que toi. Les ruelles désertes, chaudes à la douce lumière, ébauchaient nos ombres collées à mesure que nous avancions, pleins de sourires complices, de regards perçants, d'amour aussi puissant qu'une armée de morts vivants. Parce que je peux te regarder tout le temps, sans cligner des yeux, sans perdre un degré de mon admiration. Parce que je peux t'écouter tout le temps, sans perdre le fil, sans assombrir d'une miette de ténèbres mon sourire. Parce que je peux te serrer tout le temps, sans que mes muscles ne tremblent et que l'étreinte ne faiblisse. Parce que je veux tout vivre avec toi, l'été, l'hiver, les pics de joie, comme les descentes aux enfers. Je t'aime quand tes grands yeux verts me fixent. J'y trouve des alexandrins aux vers enivrants. J'y trouve des lumières, des reflets inconnus, de la beauté si forte que je ne respire plus. J'aime embrasser tes sourires, j'aime embrasser tes rêveries, ta confiance, ta sérénité. Entraînés dans nos bras, comme deux satellites dans la nuit, la lune souriait de travers, la plaine s'était endormie. J'observais ton visage comme pour tenter de me rassasier de ton infinie beauté. Et plus je te trouvais belle, et plus j'avais besoin de te regarder. Et plus je te regardais, et plus je te trouvais belle. Et plus je te trouvais belle, et plus j'avais besoin de te regarder. Et plus je te regardais, et plus je te trouvais belle. Et plus je te trouvais belle, et plus j'avais besoin de te regarder. Et plus je te regardais, et plus je te trouvais belle. Et plus je te trouvais belle, et plus j'avais besoin de te regarder. Et plus je te regardais, et plus je te trouvais belle. Et plus je te trouvais belle, et plus j'avais besoin de te regarder. Et plus je te regardais, et plus je te trouvais belle. Je voudrais faire ça tout le temps. Je ne voudrais faire plus que ça. Ce serait mon unique activité. Tournoyer dans la spirale vertigineuse de ta beauté. Et il a fallu partir, déserter ton visage au reflet lunaire. Parce qu'il y a toujours un moment où on se quitte, où la magie s'écroule et l'écran redevient blanc. Et je reste abasourdi, bouleversé de te perdre encore. Je te regarde disparaître dans le pli de la colline, avec une grande partie de mon bonheur, l'autre partie archivée tendrement dans la mémoire de mes plus beaux souvenirs.